3 en embuscade. Robin s'amusa pendant quelques instants à déchiqueter à coups de flèche les feuilles qu'il choisissait de l'œil à la cime des plus grands arbres. Puis, las de ce jeu, il s'étendit sur l'herbe à l'ombre d'une clairière et récapitula une à une dans sa pensée les paroles qu'il venait d'échanger avec son père adoptif. Avec son ignorance du monde, Robin ne désirait rien en dehors de la félicité dont il jouissait sous le toit du garde forestier. Et le suprême bonheur, pour lui, consistait à pouvoir chasser en liberté dans les solitudes giboyeuses de la forêt de Sherwood. Que lui importait donc alors un avenir de noble ou de vilain? Un froissement prolongé du feuillage et les craquements précipités des broussailles voisines troublèrent bientôt les rêveries de notre jeune archer. Il leva la tête et aperçut un daim effrayé qui trouait le fourré, s'élançait à travers la clairière et disparaissait aussitôt dans les profondeurs de la forêt. Bander son arc et poursuivre l'animal, tel fut le projet instantané de Robin. Mais ayant par hasard ou par instinct de chasseur examiné l'endroit du débouché avant d'entrer en campagne, il aperçut à quelques toises de distance un homme accroupi derrière un tertre dominant la route. Ainsi caché, cet homme pouvait voir sans être vu tout ce qui se passerait sur la route, et l'œil au guet, la flèche en corde, il attendait. Certes, il ressemblait par ses vêtements à un honnête forestier, connaissant de longue main les allures du gibier et se donnant le loisir d'une paisible chasse à l'affût. Mais s'il eût été réellement chasseur, et chasseur de daims surtout, il n'eût pas hésité à suivre en toute hâte la piste de l'animal. Pourquoi cette embuscade alors? Peut-être était-ce un meurtrier à l'affût des voyageurs. Robin pressentit un crime, et espérant y mettre obstacle, il se cacha derrière un bouquet de hêtres et surveilla attentivement les mouvements de l'inconnu. Celui-ci, toujours accroupi derrière le tertre, tournait le dos à Robin et par conséquent se trouvait placé entre lui et le sentier. Tout à coup, le brigand ou le chasseur décocha une flèche dans la direction du sentier et se releva à moitié comme pour bondir vers le but visé. Mais il s'arrêta, proféra un jurement énergique et se remit à l'affût avec une flèche à son arc. Cette nouvelle flèche fut suivie comme la première d'un odieux blasphème. « À qui donc en veut-il ? » se demandait Robin. « Essaye-t-il de donner à un de ses amis un coup de peigne comme celui que j'ai donné ce matin au vieux Gilbert ? » ?»« Le jeu n'est pas des plus faciles. » Mais je ne vois rien là-bas du côté où il vise. Il voit cependant quelque chose, lui, puisqu'il prépare une troisième flèche. Robin allait quitter sa cachette pour faire connaissance avec le tireur inconnu et maladroit. Lorsqu'en écartant sans dessein quelques branches d'un hêtre, il aperçut, arrêté au bout du sentier, et l'endroit où le chemin de Mansfield House forme un coude, un gentleman et une jeune dame qui semblaient éprouver beaucoup d'inquiétude et se demandaient s'il fallait tourner bride ou braver le danger. Les chevaux s'ébrouaient, et le gentleman promenait ses regards de tous côtés pour découvrir l'ennemi et lui tenir tête, puisqu'il s'efforçait en même temps de calmer les terreurs de sa compagne. Soudain, la jeune femme poussa un cri d'angoisse et tomba presque évanouie. Une flèche venait de s'implanter dans le pommeau de sa selle. Plus de doute, l'homme en embuscade était un lâche assassin. Saisi d'une généreuse indignation, Robin choisit dans son carquois une flèche des plus aiguës, banda son arc et visa. La main gauche de l'assassin demeura clouée sur le bois de l'arc qui menaçait de nouveau le cavalier et sa compagne. Rugissant de colère et de douleur, le bandit détourna la tête et chercha à découvrir d'où venait cette attaque imprévue. Mais la taille svelte de notre jeune archer le cachait derrière le tronc du hêtre et les nuances de son pourpoint se confondaient avec celles du feuillage. Robin n'aurait pu tuer le bandit. Il se contenta de l'effrayer après l'avoir puni et lui décocha une nouvelle flèche qui emporta son bonnet à 20 pas. Saisi de vertige et d'épouvante, le blessé se redressa et, soutenant de sa main solide sa main ensanglantée, hurla, trépigna, tournoya pendant quelques instants sur lui-même, promena des yeux hagards sur les taillis environnants et s'enfuit en criant « C'est le démon, le démon, le démon !» Robin salua le départ du bandit par un rire joyeux, sacrifia une dernière flèche qui, après l'avoir éperonnée pendant sa course, devait l'empêcher de longtemps de s'asseoir en repos. Le danger passé, Robin sortit de sa cachette et vint s'adosser nonchalamment au tronc d'un chêne sur le bord du sentier. Il se préparait ainsi à souhaiter la bienvenue aux voyageurs, mais à peine ceux-ci, qui s'avançaient au trot, l'eurent-ils aperçu, que la jeune femme poussa un grand cri et que le cavalier s'élança vers lui l'épée à la main. « Hola, messire chevalier !» s'écria Robin. « Retiens ton bras et modère ta fureur. Les flèches lancées vers vous ne sortaient pas de mon carquois. » « Te voilà donc, misérable ! Te voilà donc !» répéta le cavalier en proie à la plus violente colère. « Je ne suis pas un assassin, bien au contraire, c'est moi qui vous ai sauvé la vie. L'assassin, vaut-il alors, parle ou je te fends la tête ?»« Écoutez et vous le saurez, » répondit froidement Robin. « Quant à me fendre la tête, n'y songez pas. Et permettez-moi de vous faire observer, messire, que cette flèche, dont la pointe est dirigée sur vous, traversera votre cœur avant que votre épée n'effleure ma peau. Tenez-vous donc pour averti, et écoutez en paix, je dirai la vérité. « J'écoute, » reprit le cavalier, presque fasciné par le sang-froid de Robin. J'étais là, tranquillement couché sur l'herbe derrière ses hêtres. Un daim passa, je voulus le poursuivre, mais au moment de prendre sa piste, j'ai vu un homme qui lançait des flèches vers un but d'abord invisible pour moi. J'oubliais alors le daim. Je me plaçais en observation afin de veiller sur cet homme qui m'était suspect, et je ne tardais pas à découvrir qu'il prenait cette gracieuse dame pour point de mire. On dit que je suis le plus habile archer de la forêt de Sherwood. J'ai voulu profiter de l'occasion pour me prouver à moi-même qu'on dit vrai. Du premier coup, la main et l'arc du bandit ont été chevillés ensemble par une de mes flèches. Du second, je lui ai enlevé son bonnet, qu'il nous est facile de retrouver. Enfin, du troisième, j'ai mis le bandit en fuite et il court encore. Voilà. Le cavalier tenait toujours l'épée haute et il doutait encore. « Allons, messire, reprit Robin, regardez-moi en face, et vous avouerez que je n'ai pas l'air d'un brigand. »« Oui, oui, mon enfant, je l'avoue, tu n'as pas l'air d'un brigand. » dit enfin l'étranger, après avoir attentivement considéré Robin. Le front radieux, la physionomie pleine de franchise, les yeux où pétillait le feu du courage, les lèvres qu'entr'ouvrait le sourire d'un légitime orgueil, tout en ce noble adolescent inspirait, commandait la confiance. « Dis-moi qui tu es, et conduis-nous, je te prie, dans un lieu où nos montures puissent se repaître et se reposer. » ajouta le cavalier. « Avec plaisir, suivez-moi. Mais d'abord accepte ma bourse, en attendant que Dieu te récompense. Gardez votre or, messire chevalier, l'or m'est inutile, je n'ai pas besoin d'or. Je me nomme Robin Hood, et je demeure avec mon père et ma mère à 2000 d'ici, sur la lisière de la forêt. Venez, vous trouverez dans notre maisonnette une cordiale hospitalité. » La jeune femme, qui s'était jusqu'alors tenue à l'écart, se rapprocha de son cavalier, et Robin vit resplendir l'éclat de deux grands yeux noirs sous le capuchon de soie qui préservait sa tête de la fraîcheur du matin. Il remarqua aussi sa divine beauté, et la dévora du regard en s'inclinant poliment devant elle. « Devons-nous croire à la parole de ce jeune homme ?» demanda la dame à son cavalier. Robin releva fièrement la tête, et sans donner au chevalier le temps de répondre, il s'écria « Il n'y aurait plus alors de bonne foi sur la terre. » Les deux étrangers sourirent, ils ne doutaient plus.